Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'80's le podcast. Pour ce nouveau numéro de cadeau bonus, je reçois aujourd'hui Charlotte. Est-ce que ça va Charlotte ? Ça va très bien, très très bien. Et, comment dire, sa moitié ? On va dire ça. Ouais, son quart, j'en sais rien, enfin bref. Le demi-homme. Voilà, Imraj, ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Bah oui, ça va bien. Je suis seul, moi, par contre. Donc voilà, vous avez bien de la chance d'être deux. Enfin, quoique, il fait pas très froid en ce moment, donc pas besoin de se réchauffer. Ouais, mais Charlotte, elle préfère les trois chihuahuas pour se réchauffer certes. Que la chaleur corporelle. Bon, alors, pour ce nouveau cadeau bonus, nous allons aujourd'hui prendre un peu de hauteur et évoquer un grand acteur doté d'une particularité physique, à savoir son sourire absolument enjôleur. Je veux bien sûr parler de Warwick Davis. Alors, Warwick Davis, Charlotte, qui est-ce ? Warwick Davis, c'est un monsieur qui a un beau palmarès derrière lui, qui a quand même joué dans un certain nombre de films au cinéma, mais aussi à la télévision et pas mal au théâtre. Donc, c'est une personne qu'on retrouve dans un registre toujours un petit peu similaire de personnages au physique très particulier. Pour en citer quelques-uns, on retrouve des gobelins, des lutins, le léprechaun, des Nelwyn et certains petits êtres poilus vivant dans les bois que je ne citerai pas car il semblerait que je ne sois pas la spécialiste et que je ne sois pas invitée à en parler tout de suite. Donc, c'est une personne qui doit l'obtention de ses rôles à son physique très très particulier, je me répète. Du haut de ses 1m007, Warwick Davis incarne parfaitement ce type de très petit personnage. Bien au-delà de ça, bien évidemment, il prouvera sa grandeur en tant qu'acteur, je dirais, puisque au vu du nombre de films dans lesquels il a été convié, je me permets de supputer qu'il est assez excellent, puisqu'il n'aurait pas été aussi loin dans le cas contraire. Donc pour la petite histoire, c'est un acteur anglais en fait, et pas américain, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il a quand même commencé sa carrière et il l'a fait perdurer en grande partie dans des productions américaines. Donc il est né au Royaume-Uni le 3 février 1970. Il a commencé à tourner tout au début des années 80, donc très très jeune, dans des productions d'un certain monsieur, dont je ne vous parlerai pas tout de suite, car je ne suis pas non plus habilitée à en parler. Non, t'as pas le droit. D'ailleurs, dans les années 80, il n'a tourné quasiment qu'avec cette personne qui lui aura proposé ses premiers rôles, et dont les initiales sont GL. J'avais Good luck. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une personne avec qui il travaillera d'ailleurs tout au long de sa carrière. Alors, petit détail pour finir, Warwick Davis aime à dire que sa taille ne compte pas vraiment. Il a d'ailleurs intitulé son autobiographie qui est sortie en 2010. Alors, je ne l'ai pas lu parce qu'en anglais, voilà, je ne me sens pas tout à fait prête. Donc, traduction de mon cru, en gros, le titre de l'autobiographie, c'est « La taille ne compte pas, l'extraordinaire vie et carrière de Warwick Davis ». Donc, avec une préface de Monsieur GL, dont on vous parlera plus tard. Et je me permettrai cette petite réflexion à petit homme, grande carrière. Merci Charlotte. Bah, je crois que là on est paré pour attaquer un peu la carrière de ce gentleman d'Epsom, puisque né à Epsom. Donc du coup, le premier vrai grand rôle de Warwick Davis est, comme le disait Charlotte, un rôle plutôt poilu. Et il a été casté par un certain GL dont va nous parler Monsieur Imraj. Alors Monsieur Imraj, autorité compétente pour parler de Monsieur GL. Je te laisse nous faire l'article de ce premier grand rôle. Eh bien en fait, on va casser le suspense direct, mais son premier rôle, il l'a joué dans un costume tout de poil. Tout de poil vêtu. Et on a déjà un petit peu parlé de lui puisqu'il s'agit de Gizmo. Donc il jouait Gizmo. N'importe quoi. Non mais arrêtez. Ah, il y a un petit. Il y a eu un bug. Il y a eu un problème dans mes notes. Non, mais tout simplement, son premier rôle, il l'a joué dans Le Retour du Jedi, un film ô combien cher à mon cœur. Et pour la petite anecdote, donc son arrivée dans le film, il la doit quand même à sa grand-mère, qui a entendu à la radio un beau jour, tout par hasard, que la production d'un film recherchait des personnes de petite taille pour incarner des petits êtres poilus qu'on appelle les Ewoks. Donc les Ewoks. woke, des créatures ô combien attachantes qu'on retrouve dans ce deuxième épisode, non, ce troisième, pardon, 1983, troisième épisode de la trilogie Star Wars, trilogie originale, et par un concours de circonstances, ou plutôt une maladie malencontreuse pour l'acteur qui devait jouer Wicket Wistry Warwick, le brave Ewok, ben Warwick Davis se retrouve dans la peau du personnage. Dans la peau du personnage, tout simplement. Et assez rapidement, sur le tournage, il est, on va dire, je suis perdu. Je dirais que Mark Hamill le prend sous son aile et lui offre les figurines Star Wars qui ne. Mark Hamill et Carrie Fisher aussi, les deux, voilà. Les deux se prennent d'affection pour lui. Il lui offre des jouets Star Wars. Parce qu'à l'époque, donc, il a 13 ans, donc faut pas l'oublier, c'était un enfant. Ouais. Et en plus, donc, quelqu'un qui mettait beaucoup de cœur à la tâche. Donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a un costume comme ça autour de son corps d'être expressif et de véhiculer des émotions. Et en fait, il y arrive particulièrement bien. Donc, voilà. Et c'est vrai que en plus de ça, dû à sa petite taille et puis aussi peut-être un talent inné, c'est vrai qu'il a une démarche qu'on reconnaît entre mille. Et c'est vrai que quand il marche avec son costume, on a juste envie de le prendre dans les bras, il fait un gros câlin. Ah oui, moi je me souviens effectivement dans le Retour du Jedi du passage où il se met à piloter la moto dans la forêt, ça c'était énorme. Moi je me souviens de ce passage, c'était formidable, j'ai trouvé ça excellent. Après très honnêtement, quand j'ai vu le Retour du Jedi, je savais pas du tout que c'était Warwick Davis. Hein, ah oui, bah, ça, je pense pas qu'on... Je sais pas à quel moment dans le générique de fin il est crédité, mais non, c'est sûr qu'on pouvait pas se douter. Qu'il irait, que ce tout petit nounours irait aussi loin. Et surtout que l'acteur qui remplace à la base, lui a sûrement été peut-être annoncé en grande pompe parce que donc, c'était aussi une personne de petite taille, mais un petit peu plus âgée et plus expérimentée. Donc je pense qu'il s'est retrouvé là un petit peu par hasard et donc personne ne pouvait savoir que c'était lui. Quoi. Okay. Mais tout ça l'a conduit à autre chose dans l'univers étendu de Star Wars. Respire, reprends ta respiration. Du coup, voilà, George Lucas, parce que le fameux GL, je ne l'ai pas évoqué, a tellement apprécié travailler avec le jeune homme que dans l'idée de détendre un petit peu son univers, il propose à Warwick Davis de reprendre le rôle de Wicket dans des films qui lui sont presque consacrés, à savoir L'Aventure des Ewoks et plus tard La Bataille d'Endor, donc deux téléfilms. Les OAV, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est voilà. Mais c'est l'univers étendu de Star Wars et ça fait partie des, on va dire, des rares œuvres à l'époque qui allaient étendre cet univers-là, avant qu'il y ait une déferlante de comics, de livres, et de jeux et tout ça. Et Warwick Davis reprend son petit costume et il étend là ses compétences. Et je pense que George Lucas, qui n'était pas le réalisateur des téléfilms, hein, il était producteur si je ne me trompe pas, a quand même, je pense, eu un coup de cœur artistique envers Warwick à ce moment-là. Et plus ou moins directement, l'a impliqué dans de nouveaux projets. Oui. Moi, ce que je retiendrai en fait de ces deux films, c'est effectivement tout l'univers et la forêt d'Endor et tous les Ewoks. Mais c'est surtout le mauvais goût de la petite fille blanche avec un bandana autour du front et le héros qui ressemblait à une sorte de Luke Skywalker, mais en gamin. Mais moi, la première fois que je l'ai vu petite, j'ai cru que c'était une pré-Star Wars. J'ai cru que c'était lui, en fait. Ah oui, non, mais les deux sont grotesques. Et moi, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça, mais enfin... Et pourtant, j'étais pas très, très âgé. Même moi, j'avais trouvé ça ridicule. Mais la petite fille, là, je l'avais pas trouvé crédible. Donc, pour vous ouais, dire, mais le film, il est trop bien quand même. Et moi, j'ai remarqué un petit truc en révisant pour le truc, mais à l'époque, on jugeait aussi des films sur la quantité d'effets spéciaux auxquels ils faisaient recours. Donc, par exemple, dans le Retour du Jedi, on disait que c'était un film qui avait 1000 effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il avait 1000 trucages. Et pour un film, c'était exceptionnel. Et si je me trompe pas, sur L'Aventure des Ewoks, on est à 50 effets spéciaux. Voilà, mais c'est un budget, c'est un gros budget de téléfilm. C'est un petit budget de film, mais... Il est quand même sorti au cinéma en France. Il est sorti en DVD aux États-Unis, ouais. Mais il est sorti au cinéma. Alors, il est d'abord en DVD en 83. Non. Non, c'est Retour vers le futur, la chérie. Non, il est sorti d'abord à la télévision en 83. Voilà. aux États-Unis et Oui, enfin. ensuite il a quand même Oui, en été diffusé DVD, en je salle, fatigue. En VHS, excusez-moi. ouais, en VHS. Je me perds. Cela dit, C'était bizarre. nous ne sommes pas forcément là pour faire un podcast sur ces deux magnifiques films, Voilà! mais on va quand même rappeler que Dorothée nous a gratifié d'une superbe chanson, Les Petits Ewoks, en 1985, pour illustrer un petit peu ces deux le téléfilms, et avec un clip particulièrement réussi, avec les effets spéciaux des années 80, avec des C'est extraits en incroyable. fond, Et enfin, c'est magnifique. est-ce que vous saviez que c'est George Lucas himself qui a demandé À à Dorothée. Dorothée de chanter cette chanson-là? Il devait être amoureux de Dorothée, possiblement. En tout cas, Oh. je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait de cette fabuleuse chanson de Dorothée. Les petits Ewoks. Eh oui, une magnifique chanson de Dorothée. Après les chaussettes rouges et jaunes à petits pois et le nez de Dorothée, on a eu droit aux petits Ewoks. C'est magnifique. Donc notre ami Warwick Davis va continuer son petit bonhomme de chemin pour nous gratifier d'une participation dans le film Labyrinthe en 1986, qui est une création de Jim Henson avec toujours Monsieur GL, alias George Lucas. À la Donc, production. à la production. Qui d'entre vous veut nous décrire un petit peu son implication? Moi, parce que Parce que c'est moi, mon film à moi. C'est un film de filles, alors on va dire Charlotte. Alors, je dois dire quand même pour la petite anecdote que j'ai quand même beaucoup hésité quand on m'a demandé de choisir mon film préféré entre celui que j'ai choisi et puis celui-là, parce que Labyrinthe, c'est un film enfin, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai appris sur le tard que Warwick Davis jouait dedans. Il a un tout petit rôle, en fait. À un moment donné, l'héroïne, donc, qui est dans le Labyrinthe, Sarah, incarnée par Jennifer Connelly, que j'aime beaucoup aussi, pour la petite parenthèse, elle va le rencontrer, enfin, la scène dure quoi, 5 minutes à tout péter. C'est un vieux gobelin qui est assis sur un trône et qui lui pose une énigme pour qu'elle puisse continuer son aventure. Donc voilà, il lui donne la réplique vraiment quelques instants. Et ce qui était remarquable, c'est une fois de plus un rôle à visage couvert, en fait, mais c'est pas encore montré. Et 86, bah, même chose, il est super jeune, en fait, il a juste 16 ans. Ouais, Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Déjà, il n'est pas très connu à ce moment-là, j'imagine, à cause de... Enfin voilà, bah, il a pas fait grand-chose. on ne connaît pas Et puis son nom moi. dans un générique, et en plus, il est masqué, quoi. Donc c'est quand même pas... Ouais. Et c'est On vrai peut que moi, j'ai dire qu'il sortait couvert, effectivement. Ouais. Moi, j'ai appris sur le super tard, en fait, qu'il jouait dans tous les films qui ont bercé mon enfance. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure pour effectivement l'Ewok, c'est vrai qu'on ne pouvait C'est pas savoir. un acteur dont on apprend le nom sur le tard. Aussi. Et, là, et si je peux me permettre une petite anecdote, histoire de rendre Madame folle de joie. Quand je l'ai rencontrée, Charlotte, assez rapidement, on échangeait des longues soirées philosophiques sur nos goûts, nos couleurs, etc. Et Charlotte m'a fait regarder deux films. Et j'ai failli fuir quand j'ai vu le premier, qui était Labyrinthe. Parce que, bon, quoi qu'on dise, c'est quand même un film assez particulier. Et le deuxième film qu'elle m'a montré, et là, je failli retourner dans mon Aveyron natal. C'était The Rocky Horror Picture Show, je crois le film le plus barré de l'histoire Oui, mais du rien à cinéma. voir. Voilà. Et Warwick Davis n'est pas dans The Rocky Horror Picture Show. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Hein. Elle m'a Ok, montré cette alors seule. par contre, pour Labyrinthe, effectivement, ce qu'on peut noter, c'est donc déjà, oui, comme on disait, la participation de David Bowie et son implication au niveau évidemment musical Ah oui. avec plusieurs morceaux intégrés au film. Donc ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute un qui est en l'occurrence la piste Magic Dance du film Labyrinthe. Bon courage. You remind me of the babe. Babe with the power. What power? Power of voodoo. Voodoo? You do. They're what? Remind me of the babe. Quiet! A goblin babe. Well? I saw my baby crying hard as babe could cry. What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew. Et oui, David Bowie, toujours très particulier, mais qui a ses fans, et je dois avouer que je ne suis pas insensible à ce style, à ce genre de musique. Voilà. Ouais, l'acteur, j'aime bien, mais le chanteur, j'ai beaucoup de j'adore. J'aime beaucoup. Bon, calmons-nous, on n'est pas sur un podcast sur David Bowie. David Bowie, mais non, c'est une idée à développer, je pense. Car s'il y a deux physiques complètement opposées, c'est quand même David Bowie et Warwick Davis. Et Warwick. Mais bon, voilà. Alors donc, ce bon Warwick continue sa carrière avec le film qu'il a enfin révélé au grand jour. Son grand sourire. Voilà, et ses grandes mains. C'est vrai qu'il a des grandes mains. Il a des mains, mais d'une grandeur, c'est fou, quoi. Donc nous allons parler de Willow. Alors Willow, c'est le film que tout enfant doit avoir vu. C'est pour ça que je l'ai vu il y a à peu près 2 semaines. je dois l'avouer. Tu l'avais jamais vu avant ? C'est le genre de film, c'est on te le raconte, voilà, et en fait je l'avais jamais vraiment vu, donc là j'ai du coup regardé de A à Z, oui. C'est peut-être le troisième film que m'a montré Charlotte, bon je l'avais vu quand j'étais gamin, mais je sais pas, elle a dû enchaîner sur Willow pour me montrer un truc un petit peu plus soft. Et d'ailleurs un collègue n'arrêtait pas de me faire des allusions à ce fameux Peck, tu sais Peck. Pas qui c'est ouais. Peck. Et je dis, mais non, je sais pas qui c'est Peck. Et t'as pas vu Willow ? Mais non, j'ai pas vu Willow. Maintenant, je pourrais dire, j'ai vu Willow. Je sais, ah oui, d'accord. C'est d'ailleurs, oui. Peck. Voilà. Donc, qui de vous deux veut nous parler de Willow ? Oh ben, je me lance, allez. Dans la continuité. Elle me tape si j'ouvre la bouche. Non. Allez, vas-y, Charlotte, parle-nous oui, un peu de Willow. Willow, film de 1988, bravo à mon accent. Enfin, 88. Film de Ron Howard, où on retrouve évidemment George Lucas au scénario cette fois-ci. Ron Howard, bien évidemment. Oui. Bah oui, Richie Cunningham dans Happy Days. Voilà, c'est tout. C'était pour la petite aparté. Voilà, non, c'est tout. Je devais fallait citer. Fallait qu'il la place. Happy Days, ouais, je me devais le passer. Vas-y, pardon. Non, mais vas-y. Non, mais si je vous embête, vous me dites, hein. Oui, donc, comme je le disais, un film avec George Lucas au scénario, apparemment, c'est un film, enfin, c'est une idée de scénario qu'il développait depuis bien avant Star Wars et qu'il avait mis un peu de côté parce que c'est vrai que l'opération Star Wars et tout, ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans son œuvre. Et c'est donc, comme tu le disais, le premier grand rôle finalement de Warwick Davis où il est visage découvert, où on découvre enfin l'acteur et puis où il a le premier rôle en fait, tout simplement. Donc, c'est un petit peu, enfin, je dirais que c'est ce qu'il révèle. Donc, c'est un film fantastique, donc où il incarne un. Alors, il a que 18 ans et il incarne pourtant un personnage ans, assez. Non, 18 ans, 1988. D'accord. Moins 70, ça fait 18 ans. Ça fait 18, voilà. 18 ans, ouais. Donc, ceci dit, le film est sorti en 88. Il a dû être tourné un peu avant. Voilà, donc, 87, il a 17 voilà, ans. Sur le tournage, voilà, 17 ans. Donc, c'est vrai qu'il fait un peu plus âgé, quand même, si je peux me permettre. Et il incarne parfaitement bien, malgré ça, je trouve. Enfin, le père un petit peu mature, protecteur, etc., qui va donc devoir sauver une jeune enfant humaine qui elle-même... Mature quand même. Oui, avec ses enfants, il est assez responsable, mais il fait plus grand frère, je trouve. Il est protecteur. C'est subtil. Comment tu me parles, toi ? Au secours. Ouais, donc voilà, c'est vrai que c'était... Et puis, je crois que George Lucas donc, dit lui-même que c'était important pour lui de tourner avec cette personne, en fait, avec Warwick Davis, qui était quelqu'un qui le marque depuis longtemps. Il avait envie de mettre en avant un petit peu sa particularité physique et le fait que, voilà, ils doivent s'imposer un petit peu au monde entier pour prouver sa valeur au-delà de tout ça. Et en fait, c'est un sujet qui ressort, en fait, de ce film-là. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, il rencontre sa femme sur le tournage, Samantha, avec un nom anglais imprononçable que je ne prononcerai pas. Et pour la deuxième... Burrough. Merci, chérie. Samantha Burrough. Voilà. Burrough, moi, je crois. Et je dirais même, au-delà de ça, il y a quand même Val Kilmer qui rencontre aussi sa future femme sur le tournage. Oh, c'est mignon comme ça. La rouquine dont j'ai oublié le nom, mais... une sorte... Ah oui, celle qui ressemble à Rebelle. Une sorte de... Elle est belle, hein. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Voilà. Une sorte de tournée manège du c'est exactement. Ah voilà, non, en fait. Mais ouais, c'est voilà. Ça. Et donc voilà, il l'a épousée. Tournée ménage. Moi, c'est vrai que finalement, le film a eu un succès assez mitigé, en fait. C'est pas un film qui a cartonné tant que ça. J'ai été un peu surprise. J'ai vraiment souvenir que c'est un film qui a tellement marqué mon enfance que voilà, j'étais persuadée que c'est un truc qui avait cartonné et en fait, pas tant que ça. Bah non. Il laisse un bon souvenir chez les nostalgiques, mais à l'époque, non, ça avait pas pris, quoi. La mayonnaise avait pas pris. Pourtant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de qualité dans ce film. La fin, un petit peu longue sur la fin, j'avais un petit peu envie que ça se termine. Mais j'ai été choqué de le revoir là et de voir l'inspiration dont Peter Jackson a tiré sur Le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est impressionnant. Bah, déjà, le scénario au départ. Je crois avoir lu, mais je l'ai peut-être rêvé, que à la base... C'était une adaptation, ça devait être, ça devait être une adaptation sorte d'adaptation de... du roman. Justement. Je crois avoir lu ça quelque part. Ils n'ont pas eu la licence et hop. Ça doit être c'est bon, ça. De toute façon, c'était quand même fortement inspiré. Hein. Des petits hommes qui vivent dans une vallée tranquille c'est et qui s'en vont sauver le monde comme ça. Sachant que la question que je me suis posée quand je l'ai vu donc récemment, c'est est-ce que tous les nains qui vivent dans le village sont les Ewoks du retour du Jedi? Ah, c'est vrai. Ça je ne me suis pas posé la question, mais c'est bien probable. Ouais. Je pense qu'ils avaient un bon listing d'acteurs. C'est vrai qu'il y en a quand même... Ah oui, il y en a un paquet. Hein. Celui qui a l'espèce de grand front, là, un peu tête d'œuf, là, il est terrible. Il est terrible. L'espèce de... tu sais, celui qui est toujours rabat-joie, là, le grand, oui, bah, c'est qui ça. Est plus grand. Oui, c'est quoi. Lui. Bah, c'est lui. Celui sur lequel la tête d'œuf. Oui, c'est ça. Voilà. Il est impressionnant, lui. Enfin, en fait, c'est vrai que pour une personne de petite taille, il est vachement plus grand que les autres. Et sur les plans, on les voit tous. Enfin, c'est un géant, pour un Elwynn. C'était peut-être le chef des Ewoks. Bah non. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin bon, tout ça pour dire que ce fut son premier grand rôle et qu'il s'est affirmé dans ce long métrage qui a quand même eu un succès d'estime. Et juste pour préciser également, il y a eu effectivement à l'époque un jeu vidéo, puisque je ne savais pas non plus, je me suis renseigné un peu, il y a eu un jeu vidéo sur NES, donc qui a été fait par Capcom, et qui est une sorte de Zelda-like, où vous incarnez donc notre ami Willow. Of good. Of good. Voilà. Willow of good. Et en fait, vous avez des petites incrustations, c'est faut remettre le jeu dans son contexte. Hein. C'était quand même en 1988. Hein. Mais des dessins des qui sont quand même assez bien faits des différents héros du film. Et alors, est-ce qu'il y a la fameuse photo qu'on voit partout où il est sur la place du marché avant son tour de magie, les bras écartés il fait passer le grand sourire énorme. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Parce que c'est vrai que moi, quand on parle Willow, je vois cette image avant tout. Quoi. Mais voilà, c'est son grand sourire et les espèces de petites rides derrière ses yeux. Il est rigolo. Quoi. Séquence émotion. Non, vie différente. Voilà, je pense qu'on a, on a quand même consacré pas mal de temps à Willow. Et la question dans sa carrière qu'a dû se poser Warwick Davis, c'est comment rebondir après ça, comment s'en relever, comme il est déjà debout. Mais donc après, il enchaîne avec la série Le Monde de Narnia, pardon, qui date, elle, de 1988, donc toujours foulée, qui sera reprise en 2008 au travers d'un long métrage dans lequel il jouera aussi. Il joue aussi dedans, ouais. Mais pas le même rôle, a priori. Évidemment. C'est bien ça, Charlotte. C'est vraiment très flou pour moi. J'ai tellement pas aimé ce film. Je suis désolée. On est de pas quoi le monde de Narnia, là, en 2008. Ah ouais, non, vraiment. J'aime pas le livre, j'aime pas le film. Donc, moi, j'ai juste joué au jeu avec ma fille et c'était pas terrible. Voilà, je pense qu'autour de cette, licence-là, il n'y a rien de. Bah, y a, je peux critiquer, on n'est plus dans les 80. On peut aimer, hein. On ne critique pas du tout les fans de Narnia, mais, même s'ils n'ont pas de goût. Mais, mais voilà. Toi, t'es un mec sympa. Je pense qu'on peut passer à la suite, non? Exactement. Alors après, la suite, on bascule dans les 90s, puisque nous sommes en 93 et c'est le moment d'un autre grand rôle où cette fois-ci il remet un déguisement, un masque. Enfin, c'est pour Le Prochaune, la série des Le Prochaune. Oui, il y en a un paquet quand même. De mémoire, il y en a eu au moins 4, voire même 6. Non, il y en a 6. Ah, il y en a même 6, parce que moi je me... Il y en a 6. Bon, écoute, Imraj, vas-y, régale-nous de ta connaissance, le puits de science du Le Prochaune, vas-y. C'est bien dit, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais dans la légende du Le Prochaune, il y a quand même le puits avec l'or au fond, non? Non? Tu l'as fait exprès? Très honnêtement, pas du tout. Écoute, c'est une heureuse coïncidence. Le Prochaune, alors je n'en ai vu aucun. Moi non plus. Mais acquis de conscience, par curiosité, je suis quand même allé voir. Par conscience professionnelle. Conscience professionnelle, j'allais dire. J'ai voir beaucoup d'extraits sur Internet et des bandes annonces. Et je dois dire que j'ai été frappé vraiment par beaucoup de similitudes avec Evil Dead, un grand film. Et je prie un jour les dieux qu'on fasse un podcast sur cette série. Et donc le premier a vraiment toutes les caractéristiques d'Evil Dead. Et on est dans l'horreur. Voilà, un peu ça. L'idée, ouais. C'est donc il y a quand même Jennifer Aniston dedans, dans son premier rôle notable. C'est ça. L'idée derrière ce film, c'est que donc pour le premier, elle trouve de l'or. C'est l'or de Le Prochaune et Le Prochaune n'est pas content et donc il veut se venger et tuer tout le monde. Et donc comme par hasard, ils sont dans un cabanon dans la forêt, exactement le même cabanon que tous les films d'horreur d'époque. Mm-hmm. Et voilà, et donc Warwick Davis est grimé d'un afro-masque. Ah, donc c'est la première fois qu'il est méchant, en fait, finalement. Ah, il est méchant. Et alors, vraiment, dans les extraits que j'ai vus, il joue très, très bien. Il a presque un petit côté Joker, Jack Nicholson, vous voyez? Oui, d'accord. Voilà. Donc, ah, d'accord. Donc, un petit peu Je crado, un sens qu'on petit va se peu faire une dégueu. petite série. Hein. Je pense qu'on va les regarder. Et donc, les scénarios s'enchaînent. Donc, il y a les prochaines deux en 94, 94, le où 3. là... Je crois qu'il fait une sombre vengeance sur plusieurs générations, donc ça, il y a un saut de 1000 ans dans le temps. Et l'épisode sûrement le plus notable et le plus mauvais de tous les films du genre, qui a été noté 0 sur Rotten Tomato, c'est Les Prochaines 4 Quatre, in In Space. Space. Je pense qu'il y a beaucoup de caractéristiques de Alien. Donc en gros, on a le retour de la vengeance, et après dans l'espace. C'est magnifique. Exactement, comme Et Emmanuel en même après, temps. la malédiction. C'est Hein, ça. sinon. Ils en ont fait même récemment. Je crois que le dernier, il est de début 2000, des brouettes, mais Ouais, c'est dans ces 2003. eaux-là. À savoir que les fans réclament un septième épisode. Ouf, tu Même si, mais je pense qu'il y a un noyau de fans dans le nanar, vois. et ça doit être un nanar, mais Un bon nanar. pas le truc déplaisant. Eh bah écoutez, Peut-être sept. nous allons passer à son prochain rôle, toujours masqué, à savoir sa participation à l'épisode 1, donc La Menace Fantôme, de la saga de Monsieur GL, en 99, donc, où il joue alors, a D'accord. priori Yoda dans les scènes où il marche, c'est ça, Clément? C'est Enfin, il ça. marche, pardon. Et bien, Il renoue un peu avec ses origines, non? voilà, donc c'est une belle promotion pour lui, hein, parce qu'il passe de Wicket à Yoda, Moi, donc je le préfère grand Wicket. Ah, maître Jedi. hein. Oh, Oh, bah, si. moi, Yoda, j'y fais un Oui. gros câlin aussi. Hein. Comme tu veux, chérie. La force est forte. Et donc, oui, effectivement, il y a dans le premier Star Wars, Yoda est une marionnette assez grossière. Et effectivement, les scènes où il se déplace sous le costume et sous le masque, c'est Warwick Davis. Tout simplement, La il est surprise, quoi. partout. Et donc, quand même, il faut noter qu'entre 83 et 99, il y a toujours une relation entre lui et Ah, George je le casse, Lucas. ouais. Qui Et lui c'est. achetait des Digimon ou des Pokémon cette fois-ci, et C'est plus des ça. figurines Star Wars, Et c'est magnifique. qui d'ailleurs a écrit C'est ça. la préface de son autobiographie. Donc ils sont restés vraiment. Ils sont vraiment restés C'était très très proche. proches. Donc je T'es pense mignon, que t'es ouais, c'est mignon. vraiment mieux. Bon, après, à réfléchir, j'aurais préféré qu'il n'intervienne jamais dans Star Wars épisode 1. Oui, c'est vrai. Ou que Star Wars épisode 1 n'existe N'existe pas, pas, c'est en ce que je fait. voulais dire, hein, c'est Voilà, ce que je mais bon. sous-entendais. Voilà. On n'est plus dans les 80. Allez. Et donc, il n'apparaît pas dans le 2 ni dans le 3 parce qu'ils Parce... ont abandonné la marionnette au profit des belles images de synthèse pour faire sautiller Et voilà, pour lui faire voilà. faire Les des trucs combats. de kung fu, de je ne sais quoi, enfin n'importe quoi. Exactement. Indélicate. Ok, bon. Et bien alors là, du coup, on va basculer carrément dans le troisième millénaire, à savoir un rôle dans Harry Potter à l'école des sorciers. Je dirais que c'est quand même son dernier plus grand rôle. Enfin, il joue dans Harry Potter à l'école des sorciers, mais en fait, il joue dans toute la série, quoi. Bon, et Il a bien joué dans... Charlotte, Ah je oui, mais sens j'adore que Harry tu es prêt à Potter. envoyer du gros sur Harry Potter, mais je te préviens, nous sommes dans 80s le podcast, donc ne t'emballe pas. Non, je m'emballe pas, juste Voilà. pour dire qu'il a joué dans tous les Harry Potter, qu'il joue le très sympathique professeur Flitwick, professeur Petit, bien évidemment, ainsi que le directeur de la banque des Gobelins, qui fait un petit peu peur avec ses grandes oreilles. Donc là, il est masqué à nouveau. Donc Flitwick sans masque, avec une belle moustache, Ouais, magnifique, et et une le coupe au... banquier avec Un masque, un et voilà, il afro-masque. retrouve. Voilà, et c'est rigolo en fait cette propension à pouvoir incarner comme ça plusieurs personnages dans le même film. Enfin, moi ça me. Enfin, je trouve ça assez génial. Non, mais c'est un grand Ah, acteur, c'est vrai. Sir Flady, en Ouais. début Non, mais c'est d'émission. vrai. C'est vrai en Eh oui. plus. Donc, il a fait plein d'autres petits films, des petits trucs, des petits machins. Bon, pas aussi notables que ça, mais voilà, moi j'étais hyper contente de le retrouver dans ces films-là. Enfin, moi, c'était une bonne surprise parce que c'est vrai, c'est des films que j'aime beaucoup, des livres que j'aime beaucoup. Donc, Bon, donc en fait, voilà, il suit un En fait, peu on kiffe. ta vie, quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est C'est quelqu'un que le fil rouge de ta vie. Char que Charlotte, j'admire beaucoup, enfin, Charlotte, que Charlotte l'a j'apprécie. rencontré. Oui, en plus, j'ai des autographes de lui et tout. Oula. J'ai des photos dédicacées. Elle a payé quand même pour Oh, avoir ta ses gueule. photos. Non, mais là, il faut raconter ça, Charlotte. Non, mais c'est parce que j'ai participé à pas mal de salons, dont les Paris Jouets Collection. Et je sais plus c'est quelle année où il est venu, justement, au Paris Jouets Collection, que je me trompe pas. C'était début 2000, il me semble que c'était 2002. Et il était là, à Et signer alors, des autographes. elle a même pris une photo avec lui, mais N'importe quoi. bah, la photo était cadrée sur Charlotte et du coup, bah, les Du coup, on le pixels. voit pas. On a tous une photo avec Warwick Davis, je le rappelle. Bah, Non, exactement. mais je pourrais prendre les photos des photos, puis les mettre sur le forum pour frimer un peu, tu vois, genre, ouais, moi j'ai des autographes de lui, quoi. Enfin bon, autant vous dire que j'étais Elle juste... a payé. Non, mais ça va, oh, Bon, bah, c'est comme ça, t'achètes la photo, tu la fais dédicacer, tout ça, mais voilà. Tu fournis le stylo. Oh, mais et... ça va, laisse-moi parler un petit peu. C'était beaucoup d'émotions pour moi, vous pouvez pas imaginer, vous savez. Non, mais je on en doute de pas. De celle mais... qui tire une petite larme, tout ça. Ah oui, non, mais ça, on en doute pas. Ah, oh, il y a une araignée au plafond. Bon, pardon. Donc, après Harry Potter, notre ami Warwick va jouer dans le H2G2. Le guide intergalactique. Alors, c'est un film qui est de 2005, dont je vous propose d'écouter la bande-annonce. L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur galactique. Voici comment il définit les bandes-annonces. Les bandes-annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elle commence par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable... Arthur ! C'est quoi tous ces machins-là ? ...qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet. Attention, peuple de la Terre, nous avons prévu de détruire votre planète. Accroche-toi, on s'arrache d'ici en stop ! Souvent, ces plans-là sont précédés de la phrase « Un monde dans lequel... » Mais pas toujours. Comme je vous le disais, le guide du voyageur galactique H2G2. Donc H2D2, R2D2, H2G2. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Qui veut parler rapidement de ce long métrage ? Hormis pour dire que nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. On est mauvais, mais de toute façon, on ne voit que ce qui s'est fait dans les années 80. Donc, ah oui, c'est non, pas la peine de compter sur nous pour la suite. Ouais, enfin, sur Harry Potter, je t'ai senti quand même. Il y a des exceptions quand même. Il y a des exceptions, mais rares sont les exceptions. Je me souviens par contre quand même que ce film avait eu un succès quand même. Non, mais à l'époque, je me souviens en plus où il est sorti. Je me suis dit, faut que je le vois. C'est comme. Voilà, c'est des trucs que tu laisses traîner. Voilà, et qu'en fait, au final, tu les vois pas. Et il y a l'acteur de The Hobbit. Ah oui, d'ailleurs. Dans la bande-annonce, c'est marrant. C'est l'acteur principal. Mais bref, revenons à Warwick Davis qui joue le rôle de Marvin, l'androïde dépressif. Voilà, donc je pense qu'il fait la voix parce qu'il y a beaucoup de plans où, en tout cas, dans la bande-annonce, c'est de la 3D. Mais j'ai repéré un petit plan où on reconnaît la démarche de Warwick Davis, donc je pense qu'ils l'ont... Ils l'ont habillé quand même. Ils l'ont habillé un petit peu, parce que sinon... Ça doit faire partie de ses... tu sais, son agent, quand il vend... Ouais, ses prérogatives, voilà. S'il joue. Ouais. Si je joue pas dans un costume, je joue pas. C'est enfin, ça. Bref. Bon, et ben donc ça, c'était en 2005. Et puis alors, on va parler quand même très rapidement de son actualité plus récente à notre ami Warwick. Donc on peut noter en vrac notamment qu'il a joué, il a été l'invité de Top Gear, l'émission de critique sur les voitures. Il a joué aussi dans un épisode de Doctor Who. Et il a joué aussi, effectivement, on n'en a pas parlé, dans la série Extras, donc toujours en 2005, je fais un petit retour en arrière, qui est une série britannique où c'est pareil, il a rencontré l'acteur d'Harry Potter et d'autres vedettes, où il arrive, son gros point fort, c'est quand même d'arriver à attirer l'attention sur lui et à rendre les autres acteurs un peu en retrait et vraiment à attirer l'attention sur lui. C'est vrai que c'est ça que je remarque chez lui, c'est qu'on a envie de le suivre et il peut effectivement fédérer l'auditoire vers ce qui lui arrive et ce qui se passe dans tous ses films. Voilà, donc après, ce qu'on peut aussi noter... T'as pas précisé, mais il a coproduit un film en 2005. Ah. Agent One Half. Ouh là là. Demi-agent, enfin quelque chose comme ça. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais... il joue dans une série télé, il joue son propre rôle aussi, non, en fait. Je ne sais plus le nom de la série. C'est peut-être c'est un caméo. Série comique où il joue, c'est ça, son propre rôle, en fait. Ah ouais. Si, ça c'est Life's Too Short. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Et oui. C'est encore un jeu de mots. Il se tourne beaucoup en dérision quand même. Enfin, il joue beaucoup Je pense que c'est la bonne approche. Ouais, c'est ça. À mon avis, vaut mieux ça qu'être dépressif. Voilà. Enfin, ouais, il fait sa vie. Et c'est vrai qu'il en tire parti, quoi. Exactement. Il a su en tirer parti. Ce qui peut être vu comme un handicap, lui, il en fait une force. Il s'en sort moins aussi bien que Mimi Mati dans la vie, quoi. Comme ça. J'ai eu beau me renseigner, je n'ai pas vu tourner dans un Boyard Castle en Angleterre ou je ne sais quoi, un passe-partout, rien du tout. Non, il n'a pas ça à son actif. Non, et il a de meilleures fréquentations que passe-partout. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et alors pour terminer, on peut dire quand même qu'il a fondé une compagnie de théâtre. Ouais. Alors que nous. La pièce s'appelait Sea of the Run, qui est actuellement en tournée dans tout le Royaume-Uni. Et la troupe s'appelle The Reduced Eight Theatre Company. Quel accent. On est là. On est aussi bien que le japonais. On est là, quoi. Non, mais là. Ouais, je joue. Oh là, on galère. Et la traduction pour les gens qui ne comprennent pas le. Bah, la compagnie de théâtre des gens de petite taille, de hauteur réduite. Enfin, reduced en anglais, c'est pas forcément réduit au sens prof. Hein. Non, mais merci. Il y a enlarge et reduced. Ça, toi, tu reçois beaucoup d'emails. Hein, tu vois, donc il y a enlarge et reduced. Donc, voilà. Choisis ton camp, camarade. Et donc oui, voilà, cette compagnie donc regroupe que des gens de petite taille c'est un peu pas du théâtre de boulevard, mais ça a l'air d'être un petit peu l'idée. Ça reste de la comédie quand même. Voilà, et puis il a l'air de bien se marrer parce que enfin. Et il joue un ecclésiastique a priori. Ouais, j'ai regardé un petit peu des extraits et ça. L'air complètement, mais ça va bien avec le personnage. C'est vrai qu'il a eu des rôles assez sérieux au cours de sa vie, et là il se lâche complètement sur le théâtre et des petits side projects. J'imagine que tu parleras aussi de l'application. Et oui, la fameuse Pocket Warwick, disponible gratuitement sur l'Apple Store et sur Android Market, où vous jouez le rôle de Warwick Davis. Et vous postulez à des rôles, et c'est comme un peu, voilà, vous choisissez des emplois, des rôles, une série de mini-jeux. C'est un mini-sims. Ouais. Non, mais c'est assez marrant, franchement c'est assez marrant, je conseille d'essayer. Ils l'ont encore plus réduit parce que du coup son corps est tout petit. Et ah oui, il a fait une grosse tête. Ils ont coupé sa tête par-dessus en très gros, il fait des grimaces et tout. Une sorte de bubblehead, quoi. Ouais, c'est ça. Et si je peux rebondir sur un dernier projet, allez sur YouTube, vous cherchez The Multiverse. Voilà, et cherchez The Dwarf Assemble, une web série médiévale fantastique où quatre nains se lancent dans une mission d'importance capitale et mondiale. Ils doivent tuer un troll. Et voilà, rien que sur la bande-annonce, on les voit marcher dans les herbes. Déjà, on voit un peu le bout de leur tête. Et justement, Warwick, qui est le sorcier du groupe, se prend une galte. Enfin voilà, c'est complètement fantasque. Voilà, c'est vraiment très très rigolo. On peut dire qu'il est bien occupé quand même. Parce que... Il se détourne peut-être un petit peu des États-Unis maintenant pour reprendre avec... Et puis avec, il est moins cinéma du coup. Ouais. Enfin, tu vois, Bon après, on le verra sûrement dans de nouveaux trucs. Mais, Peut-être dans la suite de Star Wars. C'est ce que j'allais dire. Après, voilà, si on veut faire le bilan... Lui qui désormais a 44 ans, hein, si mes calculs sont exacts. Il fait toujours très très jeune. Hein. C'est ça. Enfin, il n'a pas beaucoup grandi. Pardon. Désolée. Donc peut-être bien que voilà, il a joué déjà un Ewok, puis Yoda, je ne sais pas, peut-être R2-D2. Oui, non mais de toute façon, mais bon après la mode n'est plus forcément. Alors si, il y a eu le Seigneur des Anneaux forcément, mais. Des films avec des gobelins et le prochain et autres. C'est vrai que ces derniers temps, il y en a un peu moins eu. Peut-être dans les prochains sets. Hein. Je te dis, les fans le réclament. Oui, j'imagine. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là sur notre ami Warwick Davis. Je pense qu'on a un peu quand même fait le tour. Je vais quand même vous remercier d'avoir participé à cette émission, Charlotte et Imraj. Et puis, vous dire à très bientôt pour un prochain cadeau bonus ou pour un épisode d'80s le podcast. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook ou sur Twitter ou sur notre site 80slepodcast.fr. Et puis, on va se quitter avec une autre chanson de notre ami David Bowie, l'idole de Charlotte, savoir, toujours extraite de Labyrinthe, à savoir Within You. Et puis, écoutez, à très très bientôt, chers auditeurs. Salut Charlotte, salut Mourage. À bientôt. Ciao. Starving near exhaustion. Everything I've done for you. I move the stars for no one. You've run so long, you've run so far. Your eyes can be so cruel. Just as I can be so cruel.